Chapitre 8. La mère Ballet. Lorsque mon père, Nicolas Clavel, bûcheron à Saint-Jean-des-Choux, sur la côte de Saverne, mourut au mois de juin 1837, j'avais 9 ans. Notre voisine, la veuve Rochard, me prit chez elle 15 jours ou 3 semaines, et personne ne savait ce que j'allais devenir. La mère Rochard ne pouvait pas me garder. Elle disait que nos meubles, notre lit et le reste ne paieraient pas les cierges de l'enterrement et que mon père aurait bien fait de m'emmener avec lui. En entendant cela, j'étais effrayée. Je pensais, « Mon Dieu, qu'est-ce qui voudra me prendre ?» Durant ces 3 semaines, nous cherchions des myrtilles et des fraises au bois pour les vendre en ville et je pouvais bien en ramasser 5 ou 6 chopines par jour. Mais la saison des myrtilles passe vite. La saison des faines arrive bien plus tard, en automne, et je n'avais pas encore la force de porter des fagots. Souvent l'idée me venait que j'aurais été bien heureux de mourir. À la fin de ces 3 semaines, un matin que nous étions sur notre porte, la mère Rochard me dit « Tiens, voilà ton cousin Gerlot, le marchand de poissons. Qu'est-ce qu'il vient d'en faire dans ce pays ?» Et je vis un gros homme trapu, la figure grasse et grêlée, le nez rond, un grand chapeau plat sur les yeux et des guêtres à ses jambes courtes qui venaient. « Bonjour, monsieur Gerlot !» lui dit la mère Rochard. Mais il passa sans répondre et poussa la porte de la maison de mon père en criant « Personne !» Ensuite, il ouvrit les volets et presque aussitôt une grande femme rousse, en habit des dimanches, le nez long et la figure rouge, entra derrière lui dans la maison. La mère Rochard me dit « C'est ta cousine Hocquart. Elle vend aussi du poisson. S'ils trouvent quelque chose à pêcher chez vous, ils seront malins. » Et de minute en minute, d'autres arrivaient. Monsieur le juge de paix d'Olomieu, de Saverne, son secrétaire, monsieur Latouche, des cousins et des tantes, tous bien habillés, et seulement à la fin, notre mère, monsieur Binder, avec son grand tricorne et son gilet rouge. Comme il passait, la mère Rochard lui demanda « Qu'est-ce que tous ces gens-là viennent donc faire chez Nicolas Clavel, monsieur le maire ?»« C'est pour l'enfant, » dit-il en s'arrêtant et me regardant d'un air triste. Et voyant que j'étais honteux à cause de ma pauvre veste déchirée, de mon vieux pantalon, de mes pieds nus, il dit encore « Pauvre enfant !» Ensuite, il entra. Quelques instants après, la mère Rochard me fit entrer aussi pour voir ce qui se passait, et j'allais me mettre sous la cheminée, près de l'âtre. Tous ces gens étaient assis autour de notre vieille table, sur les bancs, se disputant entre eux, reprochant à mon père et à ma mère de s'être mariés, de n'avoir rien amassé, d'avoir été des fainéants et d'autres choses pareilles, que je savais bien être fausses, puisque mon pauvre père était mort à la peine. Tantôt l'un, tantôt l'autre se mettaient à crier. Personne ne voulait me prendre. Monsieur le juge de paix, un homme grave, le front haut, les écoutait, et de temps en temps, quand ils criaient trop, il les reprenait en leur disant que je n'étais pas cause de ce malheur, que les reproches contre mon père et ma mère ne servaient à rien, qu'on devait tout pardonner aux malheureux, quand même ils auraient eu des torts, qu'il fallait surtout songer aux enfants, etc. Mais la fureur chaque fois devenait plus grande. Moi, sous la cheminée, je ne disais rien, j'étais comme un mort. Aucun de ceux qui criaient ne me regardait. « Il faut pourtant s'entendre !» dit à la fin monsieur le juge de paix. « Voyons, cet enfant ne peut pas rester à la charge de la commune. Vous êtes tous des gens riches, aisés. » Ce serait une honte pour la famille. Monsieur Gerlot, parlez. » Alors le gros marchand de poissons se leva furieux et dit « Je nourris mes enfants, c'est bien assez. » « Et moi je dis la même chose, » cria la grande femme rousse. « Je nourris mes enfants, les autres ne me regardent pas. » Et tous se levaient en criant que c'était une abomination de leur faire perdre une journée pour des choses qui ne les regardaient pas. Le juge de paix était tout pâle. Il dit encore « Cet enfant vous regarde pourtant plus que la commune, je pense. C'est votre sang. S'il était riche, vous seriez ses héritiers, et je crois que vous ne l'oublieriez pas. Riche, lui ! Criait le marchand de poissons. Ha, ha, ha ! Moi, voyant cela, j'avais fini par sangloter, et comme le juge de paix se levait, je sortis en fondant en larmes. J'allais m'asseoir dehors, sur le petit banc, à la porte. Les cousins et les cousines sortaient aussi d'un air de ne pas me voir. Mon cousin Gerlot soufflait dans ses joues en s'allongeant les bretelles sous sa capote avec les pouces et disait « Il fait chaud, une belle journée !» Hé, hey, commère Rocard! Quoi? On pêche l'étang de Tzeller après-demain. Est-ce que nous serons de moitié? Ils s'en allaient tous à la file, le juge de paix, le greffier, le maire, les cousins, les cousines. Et la mère Rochard disait « Te voilà bien maintenant, personne ne te veut ». Je ne pouvais plus reprendre haleine à force de pleurer. Et pendant que j'étais là, la figure toute mouillée, j'entendais les parents s'en aller et quelqu'un venir par en haut, en descendant la ruelle des vergers, au milieu du grand bourdonnement des arbres et de la chaleur. « Eh, bonjour, mère Ballet !» s'écria la mère Rochard. « Vous venez donc tous les ans acheter nos cerises ?»« Eh !» dit cette personne. « Mais oui, je ne fais pas les cerises, j'en vends. Il faut que je les achète pour les vendre. »« Sans doute, et sur les arbres on les cueille plus fraîches. » Je ne regardais pas, j'étais dans la désolation. Comme cette personne s'était arrêtée, je l'entendis demander « Pourquoi donc est-ce que cet enfant pleure ?» Et tout de suite, la mère Rochard se mit à lui raconter que mon père était mort, que nous n'avions rien, que les parents ne voulaient pas de moi et que j'allais rester à la charge de la commune. Alors je sentis la main de cette personne me passer dans les cheveux lentement, pendant qu'elle me disait comme attendrie « Allons, regarde un peu, que je te vois. » Je levai la tête. C'était une grande femme maigre, déjà vieille, le nez assez gros, avec une grande bouche et des dents encore blanches. Elle avait de grandes boucles d'oreilles en anneaux, un mouchoir de soie jaune autour de la tête et un panier de cerises sous le bras. Elle me regardait en me passant toujours sa longue main dans les cheveux et disait « Comment ils ne veulent pas de lui? Mais c'est un brun superbe! Ils ne veulent pas de lui !»« Non !» répondait la mère Rochard. « Ils sont donc fous ?»« Non, mais ils ne veulent pas de cette charge. » « Une charge? Un garçon pareil? Tu n'as rien, tu n'es pas bossu, tu n'es pas boiteux !» Elle me tournait et me retournait et s'écriait comme étonnée. « Il n'a rien du tout !» Ensuite, elle me disait « Est-ce que tu as besoin de pleurer, Nigo? Oh, les gueux, ils ne veulent pas d'un enfant pareil !» Notre mère, qui revenait après avoir reconduit monsieur le juge de paix au bas du village, dit aussi « Bonjour, madame Ballet !» Et elle, se tournant, s'écria « Est-ce vrai qu'on ne veut pas de ce garçon ?»« Mon Dieu, oui, c'est vrai, » répondit le maire. « Il reste à la charge de la commune. »« Eh bien, moi, je le prends. »« Vous le prenez ?» dit le maire en ouvrant de grands yeux. « Oui, je le prends à mon compte, si la commune veut, bien entendu. »« Oh, la commune ne demande pas mieux !» En entendant cela, la vie me revenait. Je glorifiais en quelque sorte le Seigneur, pendant que cette dame m'essuyait la figure et me demandait « Tu as mangé ?» La mère Rochard répondit que nous avions mangé notre soupe aux pommes de terre le matin. Alors elle sortit de sa poche un morceau de pain blanc qu'elle me donna et dit « Prends aussi des cerises dans mon panier et allons-nous-en. »« Attendez que je lui donne son paquet !» s'écria la mère Rochard, en courant chercher dans un mouchoir mes souliers et mes habits des dimanches. « Voilà, je n'ai plus rien à toi, » dit-elle en me donnant le paquet. Et nous partîmes. « Ah, l'on ne voulait pas de toi, » disait la dame. « Faut-il qu'on trouve des gens bêtes dans le monde? Ça fait suer, parole d'honneur, ça fait suer. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Jean-Pierre Clavel, madame. Eh bien, Jean-Pierre, je te garde, et bien contente encore de t'avoir. Prends-moi la main. » Elle était très grande, et je marchais près d'elle, la main en l'air. Devant le petit bouchon de la pomme de pin, au bout du village, stationnait la charrette du charbonnier Élie, sa petite bique rousse devant, à l'ombre du hangar, et, dans la charrette, se trouvaient trois grands paniers de cerises. Le vieux Élie, avec son large feutre noir et sa petite veste de toile, regardait du haut de l'escalier en dehors. Il s'écria « Est-ce que nous partons, madame Ballet ?»« Oui, tout de suite !» « Attendez que je prenne un verre de vin et mettez l'enfant sur la charrette. »« Mais c'est le petit de Nicolas Clavel. »« Justement, il est maintenant à moi. » L'aubergiste Bastien, ses deux filles et un hussard regardaient à la fenêtre du bouchon. Madame Ballet, en montant l'escalier, racontait que je pleurais comme un pauvre caniche abandonné par ses gueux de maître et qu'elle me prenait. En même temps, elle disait, toute réjouie, « Regardez-le, on l'aurait fait exprès avec ses cheveux bruns frisés, qu'on ne l'aurait pas voulu autrement. Allons, dépêchez-vous d'atteler, Élie, et mettez l'enfant avec les cerises. » Le hussard, les deux filles et le père Bastien criaient « À la bonne heure, madame Ballet, c'est bien, ça vous portera bonheur. » Elle, sans répondre, entra vider sa chopine de vin. Ensuite, elle sortit en criant « En route !» Et nous commençâmes à descendre la côte, moi sur la charrette, ce qui ne m'était jamais arrivé. Élie devant, tenant sa vieille bique par la bride, et madame Ballet derrière, qui me disait à chaque instant « Mange des cerises, ne te gêne pas, mais prends garde d'avaler trop de noyaux. » Qu'on se figure ma joie et mon attendrissement d'être sauvé, j'en étais dans l'étonnement. Et du haut de la charrette, qui descendait pas à pas le chemin creux bordé de houx, je regardais Saverne au fond de la vallée, avec sa vieille église carrée, sa grande rue, ses vieux toits pointus où montent des étages de lucarnes en forme d'étais noirs, la place et la fontaine, tout cela blanc de soleil. 100 fois j'avais vu ces choses de la roche creuse, mais alors je ne songeais qu'à garder les vaches, à réunir les chèvres au milieu des bruyères. À cette heure, je pensais, tu vas demeurer en ville, dans l'ombre des rues. Près de la belle fontaine entourée d'aunes et de grands saules pleureurs au bord de la route, la bique d'Élie reprit haleine un instant. Madame Ballet but une bonne gorgée d'eau en se penchant au goulot. Il faisait une grande chaleur, et l'on aurait voulu rester là jusqu'au soir. Mais nous repartîmes ensuite lentement, à l'ombre des peupliers, jusqu'à l'entrée de Saverne. En voyant de loin la jolie maison couverte d'ardoises bleues, un petit balcon et des volets verts autour qui s'avancent à la montée, je pensais qu'un prince demeurait là pour sûr. Nous entrâmes donc en ville sur les 3 heures, en remontant la grande rue, et, vers le milieu, plus loin que la place du marché, nous en prîmes une autre à droite, la petite rue des deux clés, où le soleil descendait entre les cheminées, le long des balcons vermoulus et des murs décrépits. La mère Ballet disait en riant « Nous arrivons, Jean-Pierre !» Moi, j'ouvrais de grands yeux, n'ayant jamais rien vu de pareil. Bientôt, la charrette s'arrêta devant une vieille maison étroite, la fenêtre en bas, plus large que haute, garnie de petites vitres rondes et d'échevaux de chanvre pendus à l'intérieur. C'était la maison d'un tisserand. Une femme de 35 à 40 ans, les cheveux bruns roulés en boucles sur les joues, les yeux bleus et le nez un peu relevé, nous regardait de la petite allée noire. « Eh, c'est vous, madame Ballet ? » s'écria-t-elle. « Oui, madame Dubourg, » répondit la mère Ballet, « et je vous amène encore quelqu'un, mon petit Jean-Pierre, que vous ne connaissez pas. Regardez un peu ce pauvre bichon. » Elle me prenait dans ses mains et m'embrassait en me posant à terre. Ensuite, nous entrâmes dans une petite chambre grise où le vieux métier, le fourneau de fonte, la table et les échevaux pendus à des perches au plafond encombraient tous les coins. Avec les corbeilles de bobines, le vieux fauteuil à crémaillère et l'horloge au fond, dans son étui de noyer, on ne savait pas comment se retourner. Mais c'était encore bien plus beau que notre pauvre baraque de Saint-Jean-des-Choux. C'était magnifique. Des échevaux de chanvre et des rouleaux de toile, quand on avait vu que nos 4 murs et notre bûcher derrière, presque toujours vides. Oui, cela me paraissait une grande richesse. Madame Ballet racontait comment elle m'avait pris. L'autre dame ne disait rien, elle me regardait. Je m'étais mis contre le mur sans oser lever les yeux. Comme la mère Ballet venait de sortir pour aider le voiturier à décharger les cerises, cette dame s'écria « Dubourg, arrive donc !» Et je vis entrer par une porte à droite, couverte d'échevaux, un petit homme maigre et pâle, la tête déjà grisonnante et l'air bon, avec une jolie petite fille toute rose, les yeux éveillés, qui mangeait une grosse tartine de fromage blanc. « Tiens, regarde ce que la mère Ballet nous ramène de Saint-Jean-des-Choux, » dit la dame. « Ses parents, les Hocquart et les Guerlot, ne voulaient pas de lui. Elle l'a prise à sa charge. »« Cette mère Ballet est une brave femme, » répondit l'homme attendri. « Oui, mais se mettre une charge pareille sur le dos ? Mon Dieu, » fit l'homme, « elle est seule, l'enfant l'aimera. »« Mais il n'a rien !» s'écria la femme, qui venait d'ouvrir mon petit paquet sur ses genoux et qui regardait ma pauvre petite veste des dimanches, ma chemise et mes souliers. « Il n'a rien du tout. Et puis, où le coucher ?»« Hé !» s'écria la mère Ballet en rentrant et posant au bord du métier son dernier panier de cerises. « Ne vous inquiétez donc pas tant, madame Madeleine. Nous trouverons bien un matelas, une couverture, c'est la moindre des choses. Et près de ma chambre, j'ai le petit fruitier pour mettre son lit. Le petit dormira là comme un dieu. Allons, embrassez-vous, fit-elle en m'amenant la petite fille, qui me regardait sans rien dire, ses beaux yeux bleus tout grands ouverts, et qui m'embrassa de bon cœur en me barbouillant le nez. Tout le monde riait, et je reprenais courage. Madame Rivelle, la femme du vitrier qui demeurait au second, passait dans l'allée. On l'appela. C'était une toute petite femme, avec un gros bonnet piqué, le fichu croisé sur la poitrine et la petite croix d'or au cou. La mère Ballet voulut aussi lui raconter mon histoire. Deux ou trois voisines, appuyées sur la fenêtre ouverte, écoutaient. Et ceux qui s'élevaient de malédictions contre les Hocquart et les Guerlot n'est pas à dire. On les traitait de gueux, on leur prédisait la misère. Madame Madeleine avait aussi fini par s'apaiser. « Puisque c'est comme cela tout ce que je demande, » disait-elle, « c'est qu'ils ne fassent pas trop de bruit dans la maison. Mais les garçons, bah !» répondait le père Antoine. « Quand le métier marche, on n'entend rien. Il faut aussi que les enfants s'amusent, et la petite ne sera pas fâchée d'avoir un camarade. » Finalement, la mère Ballet reprit son panier sur sa tête et me dit « Arrive, Jean-Pierre, en attendant l'héritage. Nous allons toujours faire une bonne soupe aux choux, et puis nous verrons pour le coucher. » Elle entra dans l'allée et je repris sa main, bien content de la suivre. Nous avions trois étages à monter. Le premier était au Dubourg, le deuxième au Rivelle et le troisième sous les Tuiles, à nous. C'était tout gris, tout vermoulu. Les petites fenêtres de l'escalier regardaient dans la cour où passait une vieille galerie sur laquelle les Dubourg faisaient sécher leur linge. C'est là qu'il fallait entendre, en automne, pleurer et batailler les chats pendant la nuit. On ne pouvait presque pas s'endormir. Au-dessus se trouvait encore le colombier, avec son toit pointu et ses grands clous rouillés autour de la lucarne pour arrêter les fouines. Mais les ardoises tombaient de jour en jour, et les pigeons n'y venaient plus depuis longtemps. Voilà ce que je voyais en grimpant chez nous. La mère Ballet, qui me donnait la main dans le petit escalier sombre, disait « Tiens-toi droit, efface tes épaules, ne marche pas en dedans. » Je te dis que tu seras un bel homme, mais il faut avoir du cœur, il ne faut pas pleurer. » Elle ouvrit en haut une porte qui se fermait au loquet et nous entrâmes dans une grande chambre blanchie à la chaux avec deux fenêtres en guérite sur la rue, un petit fourneau de fonte au milieu, le tuyau en zigzag et une grande table de chêne au fond où la mère Ballet hachait sa ciboule, ses oignons, son persil et ses autres légumes pour faire la cuisine. Au-dessus de la table, sur deux planches, étaient les assiettes peintes, la soupière ronde et deux ou trois bouteilles avec des verres. Dans un tiroir se trouvaient les cuillères et les fourchettes en étain. Dans un autre, la chandelle, les allumettes, le briquet. Au-dessous, la grosse cruche à eau. Avec le grand lit à rideaux jaunes dans un enfoncement, la grande caisse couverte de tapisserie au pied du lit et trois chaises, cela faisait tout notre bien. Contre le mur du pignon, au-dessus de la table, le portrait de Monsieur Ballet, ancien capitaine au 27e de ligne, le grand chapeau à cornes et ses deux glands d'or en travers des épaules, les yeux gris clair, les moustaches jaunes et les joues brunes, avaient l'air de vous regarder en entrant. C'était un homme superbe, avec sa tête toute droite dans son haut collet bleu. La mère Ballet disait quelquefois « C'est Ballet, mon défunt. » Mort au champ d'honneur le 21 juin 1813, à la retraite de Vittoria, dans l'arrière-garde. Alors elle serrait les lèvres et continuait à faire son ménage, toute pensive, sans parler durant des heures. À gauche de la grande chambre s'ouvrait le fruitier, qui n'était que le grenier de la maison. Ses lucarnes restaient ouvertes en été, mais quand la neige commençait à tomber sur la fin de novembre, on les fermait avec de la paille. Les fruits, en bon ordre, montaient sur trois rangées de lattes et la bonne odeur se répandait partout. À droite se trouvait encore un cabinet, la fenêtre sur le toit de la cour. Dans ce cabinet, j'ai dormi des années. Il n'avait pas plus de 8 pieds de large sur 10 à 12 de long, mais il y faisait bien bon à cause de la grande cheminée appliquée contre où passait toute la chaleur de la maison. Jamais l'eau n'y gelait dans ma cruche en plein hiver. Combien de fois depuis, songeant à cela, je me suis écriée « Jean-Pierre, tu ne trouveras plus de chambre pareille. J'aime autant vous raconter ces choses tout de suite pour vous faire comprendre ma surprise de trouver un si beau logement. Les paniers de cerises étaient tous rangés à terre. Madame Ballet commença par les porter dans le fruitier. Ensuite, elle revint avec une belle tête de chou, des poireaux et quelques grosses pommes de terre qu'elle déposa sur la table d'un air de bonne humeur. Elle sortit du tiroir le pain, le sel, le poivre, avec un morceau de lard. Et comme je voyais d'avance ce qu'elle voulait faire, je pris aussitôt la hachette pour tailler du petit bois. Elle me regardait en souriant et disait « Tu es un brave enfant, Jean-Pierre, nous allons être heureuses ensemble. » Elle bâtit le briquet et c'est moi qui fis le feu pendant qu'elle épluchait la tête du chou et qu'elle pelait les pommes de terre. « Oui, disait-elle, tes parents sont dégueux, mais je suis sûre que tes père et mère étaient de braves gens. » Ces paroles me forcèrent encore une fois de pleurer, alors elle se tut. Et l'eau sur le feu, les légumes dedans, elle ouvrit ma chambre et sortit un matelas de son propre lit pour faire le mien. Elle prit une couverture piquée et des draps blancs dans la grande caisse et m'arrangea tout proprement en disant « Tu seras très bien ». Je la regardais dans le ravissement. La nuit venait. Cela fait, vers les 7h30, elle coupa le pain et servit la soupe dans deux grosses assiettes creuses peintes de fleurs rouges et bleues que je crois voir encore, en s'écriant joyeusement « Allons, Jean-Pierre, assieds-toi et dis-moi si notre soupe est bonne ». « Oh oui !» lui dis-je. « Rien qu'à l'odeur, elle est bien bonne, Madame Ballet. »« Appelle-moi Mère Ballet, » dit-elle. « J'aime mieux ça. Et maintenant, souffle, petit, et courage !» Nous mangeâmes. Jamais je n'avais goûté d'aussi bonne soupe. La Mère Ballet m'en donna de nouveau deux grosses cuillerées, et me voyant si content, elle me disait en riant, « Tu vas devenir gras comme un chanoine de l'Estramadour ?» Ensuite, j'eus encore du lard avec une bonne tranche de pain, de sorte que mon âme bénissait le Seigneur d'avoir empêché les hocards et les guerlots de me prendre, car ces gens avares m'auraient fait garder les vaches et manger des pommes de terre à l'eau jusqu'à la fin de mes jours. Je le disais à la mère Ballet, qui riait de bon cœur et me donnait raison. Il faisait nuit. La chandelle brillait sur la table. Madame Ballet, ayant levé les couverts, se mit à visiter sa grande caisse, en rangeant sur le lit tous les vieux habits et les chemises qui lui restaient de son défunt. Moi, assis sur la pierre du petit fourneau, les genoux pliés entre les mains, je la regardais avec un grand attendrissement, pensant que l'esprit de mon père était en elle pour me sauver. Elle disait de temps en temps « Ceci peut encore servir, ça nous verrons ». Ensuite, elle s'écriait « Tu ne parles pas, Jean-Pierre, qu'est-ce que tu penses ? Je pense que je suis bien heureux. » « Eh bien !» disait-elle. « Ça fait que nous sommes heureux tous les deux. Nous n'avons pas besoin des Guerlots, ni des Dubourg, ni de personne. Nous en avons vu bien d'autres en Allemagne, en Pologne et en Espagne. Voilà que Ballet nous porte encore secours. Vois-tu, Jean-Pierre, là-bas, comme il nous regarde ?» Ayant tourné la tête, je crus qu'il nous regardait, et cela me fit peur. Je me rappelais les prières du village que je récitais en moi-même. Finalement, sur les 10 heures, la mère Ballet s'écria « « Tout va bien. Allons, arrive, tu dois avoir sommeil. »« Oui, Mère Ballet. Tant mieux, je peux t'en dire autant pour mon compte. » Nous entrâmes dans ma petite chambre. Elle posa la chandelle à terre et me fit coucher en me relevant la tête avec un oreiller. Ensuite, me tirant la grande couverture à fleurs jusqu'au menton, « Dors bien, » dit-elle. « Il ne faut pas te gêner. Tu n'es pas plus bête que beaucoup d'autres qui ne se gênent jamais. Allons. » Puis elle s'en alla. J'aurais bien voulu penser à mon grand bonheur, mais j'avais si sommeil et j'étais si bien que je m'endormis tout de suite. Jamais je n'ai mieux dormi que cette nuit-là. Quel bonheur de savoir qu'on a trouvé son nid. Ce sont des choses qui vous reviennent au milieu du sommeil et qui vous aident à bien dormir. Au petit jour, comme le soleil commençait à grisonner la fenêtre, je m'éveillais doucement. On entendait le bruit du métier dans la vieille maison. Le père Antoine Dubourg faisait déjà courir sa navette entre les fils, et ce bruit, je devais l'entendre 10 ans. Le tic-tac du vieux métier m'est toujours resté dans l'oreille et même au fond du cœur. Comme j'écoutais, voilà que la mère Ballet se lève dans sa chambre. Elle bat le briquet, elle ouvre sa fenêtre pour renouveler l'air, elle allume du feu dans son petit poêle et met ses gros sabots pour aller chercher notre lait chez Madame Stark, la laitière du coin. Je l'entends descendre et je pense, qu'est-ce qu'elle va faire ? Dehors, dans la cour, un coq chantait comme à Saint-Jean-des-Choux. Des charrettes passaient dans la rue, la ville s'éveillait. Quelques instants après, les sabots remontèrent. La mère Ballet rentre, elle prépare son café, elle met le lait au feu, puis la porte s'ouvre tout doucement et la bonne femme, qui ne m'entendait pas remuer, regarde. Elle me voit les yeux ouverts comme un lièvre et me dit « Ah ah, voyez-vous, il fait la grasse matinée. Oh, ces hommes, ça ne pense qu'à se dorloter, c'est dans le sang. Allons, Jean-Pierre, allons, un peu de courage. » Je m'étais levée bien vite et j'avais déjà tiré ma culotte. Enfin, elle me fit asseoir sur ses genoux pour m'aider à mettre mes souliers. Et puis, en passant sa grande main dans mes cheveux en souriant, elle dit « Conduis-toi bien et tu seras beau. Oui, tu seras beau. Mais il ne faut pas être trop fier. Va maintenant te laver à la pompe en bas. Lave-toi la figure, le cou, les mains. La propreté est la première qualité d'un homme. Il ne faut pas avoir peur de gâter l'eau, Jean-Pierre. Elle est faite pour cela. Oui, mère Ballet, lui répondis-je en descendant le vieil escalier tout roide. Elle, en haut, penchée sur la rampe, avec son grand mouchoir jaune autour de la tête et ses boucles d'oreilles en argent, me criait « Prends garde de tomber, prends garde !» Ensuite, elle rentra dans sa chambre. J'aperçus au bas de l'escalier l'entrée de la cour à gauche, au fond de l'allée, et la petite cuisine des Dubourg, ouverte à droite. Le feu brillait sur l'âtre, éclairant les casseroles et les plats. Madame Madeleine s'y trouvait. Je me dépêchais de lui dire « Bonjour, Madame Madeleine !» et de courir à la pompe où je me lavais bien. Il faisait déjà chaud. Le soleil arrivait dans la cour comme au fond d'un puits. Sur la balustrade de la galerie, un gros chat gris faisait semblant de dormir au soleil, les poings sous le ventre, pendant que les moineaux, en l'air, s'égosillaient et bataillaient dans les chéneaux. Je regardais et j'écoutais ces choses nouvelles, en me séchant près de l'auge, quand la petite Annette Dubourg, du fond de l'allée, se mit à crier. « Jean-Pierre, te voilà ?»« Oui, lui dis-je, me voilà. » Nous étions tous joyeuses et nous rions ensemble. Mais Madame Madeleine cria de la cuisine. « Annette, Annette, ne fais donc pas la folle. Laisse Jean-Pierre tranquille. » Alors je remontais bien vite. La mère Ballet, en me voyant bien propre, bien frais, fut contente. « C'est comme cela qu'on doit être, » dit-elle. « Maintenant, prenons le café, et puis nous irons à la halle. » Les tasses étaient déjà sur la table. Pour la première fois de ma vie, je pris le café au lait, ce que je trouvais très bon, et même meilleur que la soupe. Ensuite, il fallut balayer les chambres, laver nos écuelles et mettre tout en ordre. Vers 7 heures, nous descendîmes. La mère Ballet portait un de nos paniers de cerises sur sa tête et moi la balance et les poids dans une corbeille. C'est ainsi que nous sortîmes. Il faisait beau temps. En remontant la grande rue, le bonnetier, l'épicier et les autres marchands, en bras de chemise sur la porte de leur boutique qu'ils venaient d'ouvrir, nous regardaient passer. Le bruit s'était déjà répandu que la mère Ballet avait pris à son compte un enfant de Saint-Jean-des-Choux, et plus d'une ne pouvait le croire. 2 ou 3 connaissances du marché, la laitière Stark, la marchande de sabots, lui demandait « Est-ce vrai que cet enfant est à vous ?»« Oui, c'est vrai, » disait-elle en riant. « C'est rare à mon âge d'avoir un enfant qui mange de la soupe en venant au monde. Ça me rend glorieuse. » Et les gens riaient. Nous arrivâmes bientôt sur la place de l'ancien palais des évêques de Saverne. Nous avions là notre baraque en planches près de 5 ou 6 autres, où l'on vendait de la viande fumée, de la bonneterie et de la poterie, sous les acacias. Le soleil nous réjouissait la vue, et nous étions assis à l'ombre, le panier de cerises devant nous. Les servantes, les hussards, venaient acheter de nos cerises à 3 sous la livre, et les enfants venaient aussi nous en demander pour 2 liards. Ces choses m'étonnaient, ne les ayant jamais vues. 2 ou 3 fois, la mère Ballet me dit de sortir sur la place, pour faire connaissance avec des camarades. À la fin, je sortis, et tout de suite, les autres m'entourèrent en me demandant « D'où est-ce que tu viens ?» Je leur répondais comme je pouvais. Finalement, un grand roux, le fils du serrurier materne, me tira la chemise du pantalon par derrière, pour faire rire les gens, et, dans le même instant, j'entendis la mère Ballet me crier de loin « Tombe dessus, Jean-Pierre !» Alors j'empoignais ce grand materne, méchant comme un âne rouge, et du premier coup je le roulais par terre. La mère Ballet criait « Courage, Jean-Pierre, donne-lui son compte. Ah, le gueux !» Les autres virent en ce jour que j'étais fort. C'est pourquoi tous en ville disaient « Le garçon de la mère Ballet est fort, il est de Saint-Jean-des-Choux, il a gardé les chèvres et les vaches, il est très fort. » Et j'avais de la considération partout. Le grand materne et son frère Jérôme m'en voulaient beaucoup, mais ils n'osaient rien en dire. La mère Ballet paraissait toute joyeuse. « C'est bien, » disait-elle, « je suis contente. Il ne faut jamais attaquer personne. Mais il ne faut pas non plus se laisser manquer. C'est à ça qu'on reconnaît les hommes. Celui qui se laisse manquer n'a pas de cœur. » Elle se réjouissait. Vers 5 heures, ayant vendu nos cerises, nous rentrâmes à la maison faire notre cuisine, souper et dormir. Ces choses se renouvelaient de la sorte tous les jours. Tantôt nous avions du soleil, tantôt de la pluie. Après les cerises, la mère Ballet vendit des petites poires, après les poires, des prunes, etc. Elle ne voulait pas toujours m'avoir dans sa baraque. Au contraire, elle me disait « Va courir, on ne reste pas assis à ton âge comme des ermites qui récitent le chapelet en attendant que les perdrix leur tombent dans le bec. On court, on va, on vient, on se remue. Il faut ça pour grandir et prendre de la force. Va t'amuser. » Naturellement, je ne demandais pas mieux. Et dans la première quinzaine, je connaissais déjà les maternes, les gourdiers, les poulets, les robichons, enfin tous les bons sujets de la ville. Car de 7 heures du matin à 6 heures du soir, on avait le temps de courir les rues, Dieu merci, de regarder le tourneur, le forgeron, le rémouleur, le ferblantier, le menuisier. On avait le temps de rouler dans les écuries, dans les granges, dans les greniers à foin et le long des haies, de grappiller des framboises et des mûres. Et les batailles allaient toujours leur train. Tous les soirs, en rentrant, j'entendais Madame Dubourg crier du fond de l'allée. « Hé, il profite, Jean-Pierre. Regardez ses coudes, regardez ses genoux, regardez son nez, regardez ses oreilles, ça va bien. » Je ne répondais pas et je me dépêchais de monter. Mais quand par hasard la mère Ballet se trouvait là, ses paroles la fâchaient. « Madame Dubourg, disait-elle, je l'aime mieux comme cela, déchiré, que s'il se laissait battre. Dieu merci, les caniches qui se sauvent quand on tape dessus ne manquent pas. C'est la commodité des cloutiers et des tournebroches. Mais j'aime mieux ceux qui montrent les dents et qui mordent quand on les attaque. Que voulez-vous? Chacun son goût. Les peureux m'ennuient. Ça me retourne le sang. Et puis, Madame Madeleine, chacun doit se mêler de ceux qui le regardent. » Alors elle me prenait par la main et nous montions tout glorieux. Au-dessus, le vieux vitrier Rivel, sa porte toujours ouverte sur l'escalier dans les temps chauds, ses grosses besicles de cuivre jaune sur le nez et ses vitres qui grinçaient sur la table ne disaient jamais rien, ni sa petite femme non plus, qui courait du matin au soir. Et quand en passant nous leur souhaitions le bonsoir ou le bonjour, tous deux penchaient la tête en silence. Ces gens paisibles n'avaient jamais de dispute avec personne. Ils ressemblaient en quelque sorte à leurs deux pots de réséda qui fleurissaient au bord de leur petite fenêtre dans l'ombre de la cour. Jamais un mot plus haut que l'autre. Quelquefois seulement, la femme appelait leur chat dans l'escalier le soir, car ils ne pouvaient pas se coucher sans avoir fait rentrer leur chat dans la chambre. Tout allait donc très bien, puisque la mère Ballet était contente. Mais au bout de 6 semaines ou 2 mois, un soir que j'avais livré bataille contre les deux maternes ensemble, derrière le cimetière des Juifs, et qu'ils m'avaient tellement roulé dans les orties que ma figure, mes mains et même mes jambes sous mon pantalon en étaient rouges comme des écrevisses, la mère Ballet, qui me regardait tristement, dit tout à coup pendant le souper « Aujourd'hui, Jean-Pierre, nous n'avons pas remporté la victoire. Les autres ont emmené les canons et nous avons eu de la peine à sauver les drapeaux. » Alors je fus tout fâché d'entendre ces choses et je répondis « Ils se sont mis à deux contre moi. » « Justement, c'est la manière des Kaiserlichs, dit-elle. Ils sont toujours 2 ou 3 contre 1. Mais ce qui me fait plaisir, c'est que tu ne te plains jamais. Tu supportes tout très bien. Que voulez-vous? À la guerre comme à la guerre. On gagne, on perd, on se rattrape, on avance, on recule. Tu ne te plains pas. C'est comme Ballet, il ne se plaignait jamais des atouts. Même le jour de sa mort, il me regardait comme pour dire « Ce n'est rien ». Nous en reviendrons. Voilà ce qui s'appelle un homme. Il aurait pu devenir prince, duc et roi tout comme un autre. Ce n'est pas le courage qui lui manquait, ni la bonne volonté non plus. Mais il n'avait pas une belle écriture, et il ne connaissait pas les quatre règles. Sans ça, Dieu sait ce que nous serions. Je serais peut-être madame la duchesse de Ballet, ou quelque chose dans ce genre. Malheureusement, ce pauvre Ballet ne savait pas les quatre règles. Enfin, que peut-on y faire? Mais du moins, je veux que cela ne t'arrive pas plus tard, et que tu connaisses tout. Je veux te voir dans les états-majors, tu m'entends? Oui, mère Ballet. Je veux que tu commences tout de suite, et demain je te mènerai chez Monsieur Vassereau, qui t'apprendra toute son école. Après ça, tu pourras choisir dans les états celui qui te plaira le plus. On gagne sa vie de toutes les façons, les uns en dansant sur la corde, les autres en vendant des cerises et des poires comme nous, les autres en rétamant des casseroles, ou bien en se faisant tirer des coups de fusil. Oui, Jean-Pierre, on gagne sa vie de 50 manières, j'ai vu ça. Mais le plus commode, c'est de s'asseoir dans un bon fauteuil rembourré, en habit noir, avec une cravate blanche et un jabot, comme j'en ai rencontré plusieurs, et de faire des grâces aux gens qui viennent vous saluer, le chapeau jusqu'à terre, en disant « Monsieur l'ambassadeur, monsieur le préfet, monsieur le ministre, etc. » C'est très commode, mais il faut savoir les quatre règles et avoir une belle main. Nous irons donc chez Monsieur Vassereau, Jean-Pierre. « C'est entendu, » fit-elle en se levant. « Demain, nous irons de bonne heure, et s'il faut payer 30 sous par mois, ça m'est égal. » Ayant parlé de la sorte, nous allâmes nous coucher, et jusqu'à minuit, je ne fis que rêver à l'école, au père Vassereau, aux quatre règles, et à tout ce que la mère Ballet m'avait dit. Le lendemain, de grand matin, la mère Ballet s'habilla d'une manière tout à fait magnifique. Quand je sortis de ma chambre vers les 7 heures, je la vis avec une grande robe chamarrée de fleurs vertes. Elle s'était fait 2 grosses boucles sur les oreilles avec ses cheveux gris touffus. Elle avait un gros bonnet blanc et cela lui donnait une figure très respectable. « Assieds-toi là, Jean-Pierre, » dit-elle, « et déjeunons. Nous partons dans une demi-heure. » Elle me fit mettre ensuite une chemise blanche, mes souliers neufs et ma veste de velours. Elle ouvrit son grand coffre et en tira un châle très beau qu'elle s'arrangea sur les épaules devant notre petit miroir. Les franges traînaient presque à terre, au bas de la robe, et quand tout fut prêt, elle me dit de venir. Je n'avais jamais vu d'école à Saint-Jean-des-Choux, cela me rendait inquiet, mais comme Madame Ballet descendait devant moi, j'étais bien forcée de la suivre. En bas, dans la petite allée sombre, Madame Dubourg, se penchant à la porte de sa cuisine, nous regarda sortir tout étonnée. Dehors, la mère Ballet me prit par la main et me dit « Tu commenceras par ôter ton bonnet en entrant. » Et nous descendîmes la petite rue des Trois Quilles, derrière le jardin de Monsieur le juge de paix, puis celle du fossé des Tanneurs. Tout à coup, en face d'une vieille maison qui faisait le coin de 2 rues, j'entendis une foule de voix crier ensemble « B.A. Ba, B.E. Be, B.I. Bi » ainsi de suite. Les vitres de la vieille maison en tremblaient, et parmi ces voix d'enfants, une autre voix terrible se mit à crier « Materne, attends, je me lève !» C'était Monsieur Vassereau qui prévenait Materne. Nous arrivions à l'école. Rien que d'entendre cette voix, un frisson me grimpait le long du dos. En même temps, nous entrions dans une petite cour et la mère Ballet me disait « Arrive !» Elle s'avançait dans une allée sombre à gauche où je la suivis. Au bout de l'allée se trouvait une porte, avec un petit carreau dans le milieu. C'est là qu'on entendait chanter Béa bas, au milieu d'un grand bourdonnement. La mère Ballet ouvrit la porte. Aussitôt, tout se tut, et je vis la grande salle. Les rangées de tables toutes jaunes et tachées d'encre autour, les bancs où des quantités d'enfants en sabots, en souliers et même pieds nus s'usaient les culottes depuis des années. Les exemples pendus à des ficelles le long des fenêtres, le grand fourneau de fonte à droite derrière la porte, le tableau noir contre le mur, au fond du même côté, et la chaire à gauche, entre 2 fenêtres, où Monsieur Vassereau, son bonnet de soie noire tiré sur la nuque, était assis, le grand martinet replié sur le pupitre. Il était là, grave, la main bien posée, les 2 doigts bien tendus, en train d'écrire un exemple. Tout fourmillait d'enfants de 6 à 12 ans, les grands assis autour des tables, les petits sur trois rangés de bancs en face de la chaire. Deux ou trois, debout, tendaient leurs plumes au maître d'école en répétant d'une voix très lente. « En gros, s'il vous plaît, monsieur Vassereau. En moyen, s'il vous plaît, monsieur Vassereau. » Lui ne bougeait pas, il écrivait. Je découvris ces choses d'un coup d'œil. Toute la salle s'était retournée pour voir qui venait d'entrer. Toutes ces figures grasses, joufflues, blondes, rousses, les cheveux ébouriffés, nous regardaient en se penchant. Comme les petits bancs s'étaient tus d'un coup, M. Vassereau leva les yeux. Il aperçut la mère Ballet et moi sur la porte, et se leva, ramenant son bonnet de soie noire sur la tête, comme pour saluer. On aurait alors entendu voler une mouche. La mère Ballet dit « Restez couverts, monsieur Vassereau !» Et tous deux, l'un en face de l'autre, se mirent à causer de moi. Autant la mère Ballet était grande et magnifique, autant le père Vassereau, habillé d'une capote marron et d'un large gilet noir, paraissait grave et sévère. Il portait encore l'ancienne culotte de ratine et les larges souliers à boucles d'argent. Il avait la figure ferme, un peu pâle, le menton large, le nez droit, bien fait, les yeux bruns, une ride entre les deux sourcils, de sorte qu'avec son martinet sous le coude, tout cela ne lui donnait pas un air tendre, et que je pensais, si c'est lui qui doit m'apprendre les quatre règles, il faudra faire bien attention. Nous étions donc au milieu de la salle, et toute l'école écoutait. M. Vassereau paraissait avoir un grand respect pour Mme Ballet, qui relevait fièrement la tête, et qui lui dit « Je vous amène ce garçon, M. Vassereau, c'est un enfant de Saint-Jean-des-Choux que j'ai pris parce que des parents malhonnêtes l'avaient abandonné et que je veux faire bien élever. Vous aurez soin de lui, vous lui montrerez tout ce qu'un homme doit savoir. Je suis sûre qu'il profitera de vos leçons. » « S'il n'en profite pas, » répondit le père Vassereau en me jetant un regard de côté, « ce sera de sa faute, car j'emploierai tous les moyens. » Et me regardant en face, « Comment t'appelles-tu ? » me dit-il. « Jean-Pierre, monsieur. » « Et ton père ? » ?»« Mon père s'appelait Nicolas Clavel. » « Eh bien, Clavel, qu'est-ce que tu sais ? Est-ce que tu connais tes lettres ?»« Non, monsieur. » « Alors, assieds-toi là, sur le petit banc. Gossard, tu lui prêteras ton ABC. Vous lirez ensemble dans le même. » Pendant que cela se passait et que M. Vassereau me parlait de la sorte, cinq ou six grands, au lieu de travailler, riaient entre eux, et je vis quelque chose en ce moment qui m'affermit beaucoup dans mes bonnes résolutions. Le père Vassereau, en entendant rire, avait tourné la tête, et il avait vu le rouge materne qui faisait des signes à Gourdier. Alors, sans rien dire, il était allé le secouer par l'oreille qui s'allongeait et se raccourcissait. Il n'avait pas l'air fâché, mais le fils materne ouvrait la bouche jusqu'au fond du gosier avec des yeux tout ronds et soupirait tellement qu'on l'entendait dans toute la salle où chacun se remit bien vite à travailler. « Eh bien, Madame Ballet, » dit le père Vassereau en revenant d'un air tranquille, « vous pouvez compter sur moi. Ce garçon profitera de mes conseils, je réponds de lui. Clavel, va t'asseoir où je t'ai dit. » J'allais m'asseoir au bout du petit banc en pensant « oh oui !» « Je profiterai, il faut que je profite. »« Allons, monsieur Vassereau, c'est entendu, » dit la mère Ballet. « Pour le reste, ça me regarde. » Ils sortirent ensemble dans la petite allée, et pendant qu'ils étaient dehors, tout le monde se retourna, riant, s'appelant, se jetant des boules de papier. Mais à peine le palan de monsieur Vassereau commençait-il à revenir qu'on se pencha sur les tables en faisant semblant d'écrire ou d'apprendre sa leçon. Lui jeta les yeux à droite et à gauche et se remit dans sa chaire en disant « Commencez l'ABC. Clavel, tu vas suivre sur l'ABC de Gossard. » Aussitôt, on se mit à chanter ensemble l'ABC. Et je suivis avec une grande attention, sans oser même regarder celui qui me montrait les lettres. Le père Vassereau taillait les plumes. De temps en temps, il faisait le tour de la salle, son martinet sous le bras, et regardait l'ouvrage des grands. Quand les lettres étaient mal formées, il les appelait Anne et corrigeait lui-même leurs fautes. Une demi-heure avant la fin de l'école, il se rasseyait dans sa chaire et criait aux petits « Arrêtez !» Ensuite commençait la récitation des leçons. « Qu'est-ce que la grammaire ? Qu'est-ce que l'article ? Qu'est-ce que le verbe ?» etc. Il prenait aussi quelquefois les petits et leur demandait les lettres. Sur le coup de 10 heures le matin, Sur le coup de 4 heures le soir, le premier de la première classe récitait la prière, et quand on l'entendait dire « Ainsi soit-il », toute l'école dégringolait des bancs et se sauvait, le sac au dos ou le cahier sous le bras, en criant et en se réjouissant jusqu'à la maison. 100 fois M. Vassereau nous avait défendu de crier, mais dehors on n'avait plus peur, et puis il faut bien que les enfants respirent. Le premier jour, quand on se mit à réciter la prière et à sortir en disant « Bonjour M. Vassereau », je fus si content d'être dehors que j'arrivais chez nous d'un trait et que je grimpais nos 3 étages en criant « C'est fini !» Le père Antoine Dubourg ne pouvait s'empêcher de rire, et le vieux vitrier Rivel lui-même me regardait monter l'escalier avec ses grosses besicles, le nez en l'air, et disait à sa femme « Tiens, Catherine, voilà le plus beau temps de la vie. On ne pense pas au déjeuner, au dîner. Quand l'école est finie, on a gagné sa journée. Ce temps-là ne reviendra plus. » La mère Ballet était aussi bien contente. Depuis ce jour, je connaissais l'école. Je connaissais la manière de chanter entraînant le B.A.B.A., d'observer les plus petits mouvements de M. Vassereau et d'avoir l'air de suivre avec Gossard en regardant voler les mouches. Le matin, aussitôt l'école finie, j'allais trouver la mère Ballet dans notre baraque sur la place. Elle me demandait presque toujours « Eh bien, Jean-Pierre, ça marche ?» Et je répondais « Oui, mais c'est dur tout de même. Hey » faisait-elle. Tout est dur dans ce monde. Si les pommes et les poires roulaient sur la grande route, on ne planterait pas d'arbres. Si le pain venait dans votre poche, on ne retournerait pas la terre, on ne sèmerait pas le grain, on ne demanderait pas la pluie et le soleil, on ne faucillerait pas, on ne mettrait pas en gerbe, on ne battrait pas en grange, on ne vannerait pas, on ne porterait pas les sacs au moulin, on ne moudrait pas. On ne traînerait pas la farine chez le boulanger, on ne pétrirait pas, on ne ferait pas cuire. Ce serait bien commode, mais ça ne peut pas venir tout seul, il faut que les gens s'en mêlent. Tout ce qui pousse seul ne vaut rien, comme les chardons, les orties, les épines et les herbes tranchantes au fond des marais. Et plus on prend de peine, mieux ça vaut, comme pour la vigne au milieu des pierrailles sur les hauteurs, où l'on porte du fumier dans des hottes. C'est aussi bien dur, Jean-Pierre, mais le vin est aussi bien bon. Si tu voyais en Espagne, dans le midi de la France et le long du Rhin, comme on travaille au soleil pour avoir du vin, tu dirais, c'est encore bien heureux de rester assis à l'ombre et d'apprendre quelque chose qui nous profitera toujours. Maintenant, je te fais retourner et ensemencer par le père Vassereau. Et plus tard, qui est-ce qui coupera le grain ? Qui est-ce qui aura du pain sur la planche ? C'est toi. Je fais cela parce que tu me plais, mais il faut en profiter. Je ne suis peut-être pas là pour longtemps. Profite, profite. Ces choses m'attendrissaient et je me donnais de la peine. J'aurais voulu tout savoir pour réjouir la mère Ballet. Il faut dire aussi que M. Vassereau n'était pas mécontent de moi, car au bout d'une semaine, je connaissais mes lettres et même il disait tout haut « Regardez ce Clavel, un garçon de Saint-Jean-des-Choux, il connaît ses lettres. Dans une semaine, au lieu de ce grand âne rouge de Materne et ce pendard de Gourdier, depuis 3 ans n'ont encore appris qu'à dénicher les merles et à déterrer les carottes dans les jardins après la classe. Ah, les gueux! Ah, la mauvaise race !» Il se fâchait en parlant et finissait par tomber dessus, de sorte que l'école était remplie de cris terribles. Monsieur Vassereau répétait sans cesse « Si vous êtes pendu un jour, on ne pourra pas me faire de reproches, car Dieu merci, je m'en donne de la peine pour vous redresser. J'use plus de martinets pour ces gourdiers et ces maternes que pour tous les autres ensemble. Et encore, ça ne sert à rien, ils deviennent de pire en pire, et tous les jours on vient se plaindre près de moi, comme si c'était ma faute. » C'est vers ce temps que M. Vassereau me mit dans la 3e classe des grands et qu'il me dit « Tu préviendras Mme Ballet de t'acheter une ardoise pour écrire en gros. » La mère Ballet eut une véritable satisfaction d'apprendre que j'avançais. « Je suis contente de toi, Jean-Pierre, » me dit-elle. « Tu me feras honneur. » Tous les gens de la maison et Mme Madeleine elle-même avaient fini par s'habituer à me voir. On ne criait plus contre moi. La petite Annette venait à ma rencontre quand je sortais de l'école en disant « Voici notre Jean-Pierre ». J'aurais dû me trouver bien heureux, mais j'avais toujours le cœur gros d'être enfermé. Je ne pouvais pas m'habituer à rester assis 2 heures de suite sans bouger. Ah, la vie est une chose dure, et l'on n'arrive pas pour son amusement dans ce monde. Combien de fois en classe, lorsque le temps était beau, que le soleil brillait entre les exemples pendus aux fenêtres ouvertes, et que de petites mouches dansaient en rond dans la belle lumière. Combien de fois j'oubliais l'ardoise, l'exemple et les paraphes, la vieille salle, les camarades et la grammaire, regardant ce beau jour les yeux tout grands ouverts, comme un chat qui rêve, et me représentant la côte de Saint-Jean-des-Choux, les hautes bruyères violettes et les genêts d'or où bourdonnaient les abeilles, les chèvres grimpant à droite et à gauche dans les roches, allongeant leurs longs coups maigres et leurs petites barbes, pour brouter un bouquet de chèvrefeuilles dans le ciel pâle, les bœufs couchés à l'ombre d'un vieux hêtre, les yeux à demi fermés, mugissant lentement, comme pour se plaindre de la chaleur. Et nos coups de fouet retentissant dans les échos de Saint-Vite, notre petit feu de ronce déroulant sa fumée vers les nuages, la cendre blanche où rôtissaient nos pommes de terre, puis les grands bois de sapin tout sombres, descendant au fond des vallées, le bourdonnement de l'eau, le chant de la haute grive à la nuit, les coups de hache des bûcherons dans le silence, ébranchant les arbres. Combien de fois je me suis représenté ces choses. Tout à coup une voix me criait « Clavel, qu'est-ce que tu regardes ?» Et je frémissais en me remettant bien vite à écrire. Rarement M. Vassereau me frappait. Il faisait une grande différence entre ses élèves. Il ne s'indignait que contre les incorrigibles. Je crois qu'il devinait mes pensées et qu'il en avait de semblables les jours de beau temps pour son village. À ceux qui viennent du grand air, aux enfants qui, durant des années, ont niché comme les oiseaux autour des bois, il faut du temps pour s'habituer à la cage. Oui, il faut du temps. L'idée de la verdure leur revient toujours et la bonne odeur des feuilles, des prés, des eaux courantes leur arrive par-dessus les remparts. Si nous n'avions pas eu les jeudis, je crois que je serais mort de chagrin, car malgré les bonnes soupes de la mère Ballet, je maigrissais à vue d'œil. Heureusement, nous avions les jeudis. Demain, nous irons au Haut-Bard, au Géroldsec, à la Roche-Plate. Nous irons cueillir des noisettes au fond de Fiquet. Nous courrons dans l'ombre des sapins. Nous grimperons, nous crierons, nous ferons tout ce que nous voudrons. Oh, les jeudis! Le Seigneur devrait bien en faire deux par semaine. Les dimanches, il fallait aller à la messe et aux vêpres. La moitié de la journée était perdue. Mais les jeudis, nous partions de grand matin, et la mère Ballet me disait d'avance « Demain, il faut que tu cours, Jean-Pierre. Je ne veux pas te voir maigrir comme ça. Cette école, c'est bon, c'est très bon, mais on ne peut pourtant pas s'échiner à rester assis. Les enfants ont besoin d'air. Va courir, baigne-toi, mais prends garde d'aller dans les endroits dangereux. Avant de savoir bien nager, il faut se tenir sur les bords. Il n'y a que les bêtes qui se noient. Prends garde, mais amuse-toi bien. Galope, grimpe. La bonne santé passe encore avant les 4 règles. C'est le principal. » Elle n'aurait pas eu besoin de me dire tout cela, car j'y pensais 2 jours d'avance et je m'en réjouissais. Nous étions 3, le petit Jean-Paul Latouche, le fils du greffier, Emmanuel Dolomieux, le fils de notre juge de paix, et moi. Annette voulait nous suivre. Elle pleurait, elle m'embrassait. Mais Madame Madeleine ne voulait pas. Et nous étions déjà bien loin dans la rue à courir que nous entendions encore ses grands cris et ses pleurs. Emmanuel et Jean-Paul avaient toujours quelques sous dans leur poche. Moi, je n'avais qu'une croûte de pain, mais je trouvais plus de noisettes, plus de brimbelles, plus de tout, et nous partagions. Notre première idée était toujours d'aller nous baigner. Ah, la rivière de la Zorn, derrière la roche plate, avec ses trembles et ses hêtres, nous connaissait bien, et je pourrais encore vous montrer le bon fond de sable à droite du vallon de la Cible. Quel bonheur, mon Dieu, d'arriver au bord de la roche nue, de voir l'immense vallée au-dessous pleine de forêts, les grandes prairies en bas, la rivière qui frissonne sous les trembles, le sentier creux qui descend dans le sable brûlant entre les petites racines pendantes où filent des centaines de lézards, et de se mettre à galoper dans ce sentier bordé de hautes bruyères sèches. Quel bonheur d'entrer dans les pâturages au fond à perte de vue, de bien regarder si l'on ne découvre pas un garde champêtre avec son chapeau noir et sa plaque d'étain sur le bras, et d'avancer hardiment dans l'herbe jusqu'au cou, les uns derrière les autres pour ne laisser qu'une petite trace. Quel plaisir d'arriver au bord de la rivière, de mettre la main dedans en criant tout bas « Elle est chaude !» de jeter bien vite à terre sa petite blouse, d'ôter ses souliers, son pantalon, ses bas, en se cachant et riant pendant que l'eau siffle et bouillonne sur les cailloux noirs, puis de se lancer à la file, un, deux, trois, et de descendre le courant comme des grenouilles, sous l'ombre qui tremblote, tandis que les demoiselles vertes vont en zigzag et font sonner leurs ailes sous la voûte de feuillage. Oh, le bon temps! Comme on frissonne en se redressant dans l'écume, comme on se tape l'un à l'autre sur le dos pour tuer les grosses mouches grises qui veulent vous piquer, comme on est heureux d'aller, de venir, de se jeter des poignées d'eau et puis d'écouter, d'avoir peur du garde, comme on espionne. Et bien plus tard, lorsque vos dents se mettent à claquer et qu'on se dit « j'ai la chair de poule, sortons » et qu'on s'assied dans le sable brûlant en grelottant la figure toute bleue, comme on se sent tout à coup bon appétit, et, si l'on a eu soin d'emporter une croûte de pain, comme on mord dedans de bon cœur. Dieu du ciel, il y a pourtant de beaux jours dans la vie. Puis une fois rhabillé, quand on remonte dans le bois, tout frais, tout ragaillardi, en sifflant, et battant les buissons pour dénicher les touffes pâles des noisettes, parlez-moi d'une existence pareille. Quand l'école ne serait faite que pour avoir des jeudis, je soutiendrai qu'elle est bonne et qu'elle montre la sagesse du Seigneur. Et les jours, les semaines, les mois se suivaient. Après le dimanche et le jeudi, l'école. Après l'été, l'automne. La saison des poires et des pommes qu'on range dans le fruitier. La saison où les bois se dépouillent, où de grands coups de vent traînent les feuilles mortes dans les sentiers. Alors les noisettes, les myrtilles, les faines sont passées. On croirait que tout va finir. Et le froid, les premières gelées blanches, l'hiver, les portes fermées, le vieux métier qui va son train, la pluie que le vent chasse dans notre baraque sur la place. Tout marche, les ennuis comptent comme le reste. L'hiver était donc venu, l'hiver avec ses gros flocons, ses longues pluies qui s'égouttent des toits durant des semaines, l'hiver avec sa chaufferette et les gros sabots fourrés de la mère balai, avec les balayades du matin, lorsque les femmes, le jupon relevé, pousse la boue d'une porte à l'autre, que les pelotes de neige se croisent dans l'air, qu'on crie, qu'on bataille, qu'on a les oreilles rouges et les mains brûlantes. Une vitre tombe chez M. Reboc, l'avocat, ou chez M. Hilarius, le président. On se sauve. La servante sort. Personne n'a fait le coup. Ensuite, les grands jeudis tout gris de l'hiver, au coin du feu quand la flamme pétille, que la marmite chante, qu'on se réunit en bas chez les Dubourg en filant, que Madame Madeleine parle de la fortune de sa tante Jacqueline de Saint-Vite, que la mère Balai raconte l'histoire des écluses de la Hollande, où Balai avait des souliers de paille tressés, pendant qu'il gelait à Pierrefendre, et les rencontres de Torres Vedras, de Badaros, des Arapiles, où l'on suait sang et eau, et les coups de vent, la nuit, qui s'engouffre dans la cour, en enlevant les ardoises du colombier. Alors, on raccourcit ses jambes sous la couverture, on se tire les dredons sur le nez, on écoute. La mère Balai tousse à côté. Le coucou des rivelles en bas sonne une heure. On se rendort lentement. Oui, voilà l'hiver. Il est bien long au pied des montagnes. Et pourtant, avec quel bonheur on se rappelle le coin du feu, les bonnes figures empaquetées des voisins, les moufles tirées jusqu'aux coudes, les sabots remplis de peaux de lapin, et jusqu'au grand fourneau de l'école, lorsqu'on arrivait, un des premiers, au petit jour, avant Monsieur Vassereau, et qu'on se réchauffait en cercle, le petit sac au dos, pendant que la pluie coulait à flots sur les vitres. Comme on se dit plus tard, quand donc ce bon temps reviendra-t-il? Quand serons-nous jeunes encore une fois? Avec tout cela, j'avançais dans mes classes. Et Monsieur Vassereau m'avait choisi pour apprendre les réponses de la messe, avec trois ou quatre autres bons sujets. Il nous faisait mettre à genoux au milieu de l'école, et nous répondions tous ensemble, l'un aidait l'autre. Il disait « Clavel, je te préviens que tu seras enfant de cœur. Tu prendras la chemise rouge et la toque de Blanchot. Tu chanteras avec Georges Cloutier. Tu viendras tous les dimanches. » Il me faisait chanter le solfège après 10 heures, et cela me remplissait d'orgueil. Les maternes disaient que je flattais M. Vassereau. Madame Madeleine me prenait en considération. Le père Antoine me donnait 2 liards pour passer à l'offrande, et la mère Ballet se réjouissait de ma bonne conduite. Souvent, M. Vassereau répétait en classe que je marchais sur les traces de Robichon, capitaine au 27e de ligne, son meilleur élève, et que je n'avais qu'à continuer. Cela dura 3 ans. J'étais alors un des premiers de l'école. Je savais mon catéchisme, j'avais une belle écriture, je connaissais un peu d'orthographe et les 4 règles. Il était temps de faire ma première communion et d'apprendre un état. La mère Ballet me répétait souvent « De mon temps, Jean-Pierre, où le courage et la chance faisaient tout, je t'aurais dit d'attendre tes 18 ans et de t'engager. Mais je vois bien aujourd'hui ce qui se passe. La vie militaire n'est plus rien. On traîne ses guêtres de garnison en garnison. On va quelques années en Afrique pour apprendre à boire de l'absinthe et puis on revient dans les vétérans. » Emmanuel Dolomieux, le petit Jean-Paul et plusieurs autres de mes camarades étudiaient depuis quelques mois le latin au collège de Phalsbourg pour devenir juge, avocat, notaire, officier, etc. Monsieur Vassereau soutenait que j'avais plus de moyens qu'eux et que c'était dommage de me laisser en route. Mais à quoi servent les moyens quand on est pauvre ? Il faut gagner sa vie. Vers la fin du printemps, il arriva quelque chose d'extraordinaire que je n'oublierai jamais. Ce matin, 8 jours avant ma première communion, on savait déjà que je serais à la tête des autres, que je réciterais l'acte de foi et que je ferais les réponses. Monsieur le curé Jacob lui-même était venu le dire à la maison et le bruit en courait parmi toutes les bonnes femmes de la ville. C'était un grand honneur pour nous. Mais la dépense était aussi très grande. On parlait de cela tous les jours. Madame Madeleine, qui se mêlait de tout, comptait tant pour l'habit, tant pour le gilet et la cravate blanche, tant pour le pantalon, les souliers et le chapeau. Cela faisait une bien grosse somme, et la mère Ballet disait « Eh bien, il faudra faire un petit effort. Jean-Pierre va maintenant apprendre un état. C'est le dernier grand jour de sa jeunesse. » Annette, devenue plus grande, s'écriait « Puisqu'il est le premier, il doit être aussi le plus beau !» Moi, qui commençais à comprendre la vie, je me taisais. Et ce matin-là, comme on venait encore de causer en bas, dans la chambre des Dubourg, de cette grosse affaire, pendant que la mère Ballet était sortie, sur le coup de 8 heures, voilà que la porte s'ouvre et qu'une grande femme rousse entre avec un panier sous le bras. Il faisait obscur dans la petite chambre, et je ne reconnus pas d'abord cette femme. Ce n'est qu'au moment où, d'une voix criarde comme à la halle, elle se mit à dire « Bonjour la compagnie, bonjour, je viens voir notre garçon !» que je reconnus Madame Hocquart, ma cousine, celle qui m'avait repoussée 3 ans avant à Saint-Jean-des-Choux, en disant que mon père était un gueux. Elle regardait de tous les côtés. Je n'avais plus une goutte de sang, j'étais saisie. « Eh bien » cria-t-elle en me voyant. « Eh bien, Jean-Pierre, il paraît que tu te conduis bien. Ça nous fait plaisir à tous, à tous les parents, à ce pauvre Guerlot. Il en avait les larmes aux yeux. Et la paèse, et le cognam. » Je ne répondais pas. Je me sentais bouleversée. « Asseyez-vous donc, Madame Hocquart, » dit Madame Madeleine en avançant une chaise. « Asseyez-vous. Mon Dieu, oui, on ne peut pas se plaindre. Mais voilà cette première communion, quelle dépense. Justement !» s'écria la grande Hocquart. « Nous y avons pensé. Nous avons dit, cette brave mère Ballet, elle ne peut pourtant pas tout faire. C'est pourtant notre sang. C'est notre parent. Alors tenez !» Elle leva la couverture de son panier et en tira un habit neuf, une paire de souliers, un pantalon et un gilet. Madame Madeleine et Annette poussaient des cris d'admiration. « Oh, Madame Hocquart ! Oui, oui, nous pensons que ça lui ira bien !» Et comme je restais sombre derrière la table, Madame Madeleine me dit « Mais avance donc, Jean-Pierre, viens donc remercier ta cousine, cette bonne Madame Hocquart. » Alors, je sentis quelque chose se retourner en moi, quelque chose de terrible, et sans y penser, je répondis « Je ne veux pas. » « Comment tu ne veux pas ? » Non, je ne veux rien, je ne veux pas d'habits. » La mère Ocard s'était redressée tout étonnée. « Qu'est-ce qu'il a donc ? » fit-elle de sa voix traînarde. « Qu'est-ce qu'il a donc, notre Jean-Pierre ?»« Ah ! » cria Madame Madeleine. « Il est fier, la tête lui tourne à cause des honneurs. Eh ! » fit la marchande de poissons. « C'est dans la famille, cette fierté-là. Cette fierté-là, c'est ce qui fait les gens riches. » En ce moment, le bon père Antoine me dit. « Jean-Pierre, comment ? Tu ne remercies pas ta cousine ? Tu n'as donc pas de reconnaissance ?» Et comme il parlait, je ne pus m'empêcher d'éclater en sanglots. J'allais me mettre le front contre le mur en fondant en larmes. Tout le monde s'étonnait. Le père Antoine, se levant, vint près de moi. « Qu'est-ce que tu as ? » me dit-il tout bas. « Rien. »« Tu n'as rien ? » ?»« Non, je ne veux rien d'eux, » lui dis-je au milieu de mes sanglots. « Pourquoi ? » ?»« Ils m'ont chassé. Ils ont dit que mon père et ma mère étaient des gueux. » Le père Antoine, en m'entendant parler ainsi, devint tout pâle. Et comme Madame Madeleine recommençait ses reproches, pour la première fois, il lui dit brusquement « Tais-toi, Madeleine, tais-toi !» Il se promenait de long en large dans la chambre, la tête penchée. Madame Madeleine ne disait plus rien. Moi, je restais le front au mur, les joues couvertes de larmes. La petite Annette, derrière moi, disait « Oh, ils sont pourtant bien beaux, les habits. Regarde seulement Jean-Pierre !» Et comme la mère Ocard, poussant un éclat de rire aigre, rempaquetait les habits et s'écriait « Tu n'en veux pas, garçon ? Oh, il ne faut pas pleurer pour ça. Bien d'autres en voudront. Ah, c'est comme ça que tu remercies les gens !» Comme elle disait cela, riant tout haut et refermant son panier, la porte se rouvrit et j'entendis la mère Balais s'écrier « Eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi donc est-ce que Jean-Pierre pleure ?»« Eh !» répondit Madame Madeleine. « Figurez-vous qu'il ne veut pas accepter des habits magnifiques pour sa première communion, des habits que sa cousine Ocard apporte tout exprès de son village. »« Ah !» dit la mère Balais en se redressant. « Pourquoi donc n'en veux-tu pas, Jean-Pierre ?»« C'est qu'il se rappelle qu'on a traité son père de gueux à Saint-Jean-des-Choux, » répondit brusquement le père Antoine. « Ah ah ! Il se rappelle ça, et c'est pour ça qu'il ne veut pas de leurs habits !» s'écria la brave femme. « Eh bien !» Il a raison. Et regardant la mère Ocard, allez-vous-en, dit-elle. On s'est passé de vous jusqu'à présent, on s'en passera bien encore. C'est moi, Marianne Balais, qui veux donner des habits à cet enfant. Allez-vous-en au diable, entendez-vous? La grande Ocard voulait crier, mais la mère Balais avait une voix bien autrement forte que la sienne, une véritable voix de tempête qui couvrait tout, criant. « Allez-vous-en, canaille ! Vous avez renié votre sang ! Vous méritez tous d'être pendus !» En même temps, Rivel et sa femme, et deux ou trois voisines attirées par le bruit, entraient, de sorte que la marchande de poissons, voyant cela, n'eut que le temps de reprendre son panier et de se sauver, en disant d'un air désolé « Ayez donc l'idée de faire le bien, c'est encourageant, c'est encourageant !» La mère Balais vint alors me toucher l'épaule. « C'est moi, Jean-Pierre, qui te donnerai des habits, » me dit-elle. « Oh ! » m'écriai-je en l'embrassant. « De vous, rien qu'une blouse, ce sera bien assez. »« Tu n'auras pas seulement une blouse, » fit-elle. « Tu auras tout plus beau que les autres. J'ai là-haut dans mon armoire un uniforme de balai, un uniforme superbe, qu'il ne mettait que les jours de parade. Je le conservais comme une relique. » Mais puisque tu viens de montrer du cœur, je te le donne. Le père Lagoutte te taillera là-dedans un habillement complet. » Ainsi parla cette brave femme. Et 8 jours après, j'avais de beaux habits pour ma première communion, des habits un peu grands, pour servir longtemps. « Hé, Jean-Pierre !» me disait la mère Balais, en tournant autour de moi pour voir si cela m'allait bien. « Te voilà en grande tenue. Redresse-toi, mon garçon. » Quand on porte l'habit d'un brave, il faut lever la tête. » Elle me regardait tout attendrie. Ces choses lointaines me sont revenues tout à l'heure et j'en ai pleuré. C'étaient les derniers beaux jours de l'école. Maintenant, une autre vie, d'autres soins allaient commencer. La vie d'apprentissage, où l'on ne travaille pas seulement pour soi, mais pour un maître, où l'on est forcé de s'appliquer toujours et de songer à l'avenir. 2 ou 3 jours après ma première communion, la mère Ballet me demanda si j'aimais plus un métier qu'un autre. Nous étions justement à déjeuner. Je lui répondis que celui qui me plaisait le plus, c'était l'état de menuisier, parce que rien ne me faisait plus plaisir à voir que de beaux meubles, de grandes commodes, des armoires bien polies, des cadres en vieux noyer et d'autres objets pareils. Cela lui plut. « Je suis contente, me dit-elle, que tu choisisses, car ceux qui prennent le premier métier venu montrent qu'ils n'ont d'idée pour aucun. Et quand on est décidé, fit-elle en se levant, autant partir tout de suite. Mets ton habit, Jean-Pierre, je vais te conduire chez le maître menuisier Nivois, près de la fontaine. Tu ne pourrais jamais être en meilleure main. Nivois connaît la menuiserie mieux que pas un autre de la ville. C'est un homme de bon sens. Il a fait son tour de France. Il est même resté 5 ou 6 ans à Paris. Je suis sûre que pour me faire plaisir, il te recevra d'emblée. » Je connaissais le père Nivois depuis longtemps, avec sa veste de drap gris à large poche carrée, où se trouvaient d'un côté le maître et le tire-ligne, et de l'autre la grande tabatière en carton. Sa figure franche, ouverte, ses petits yeux malins me plaisaient. Je n'aurais pas choisi d'autre maître, et je m'habillais bien vite, pendant que la mère Ballet mettait son châle. Nous sortîmes quelques instants après, sans autre réflexion, et nous arrivâmes bientôt chez Monsieur Nivois, qui possédait une petite auberge à côté de son atelier, en face du magasin de bois et de la fontaine. L'auberge avait pour enseigne 2 chopes de bière mousseuse. Elle était toujours pleine de hussards qui chantaient pendant que la scie et le rabot allaient en cadence. Nous entrâmes dans l'atelier vers 9 heures. Monsieur Nivois, en train de tracer de grandes lignes à la craie rouge sur une planche, fut tout étonné de nous voir. « Eh, c'est la mère Ballet, » dit-il. « Est-ce que la baraque tombe ensemble ? En avant les chevilles !»« Non, la baraque est encore solide, » répondit la mère Ballet en riant. « Je viens vous demander un autre service. » « Tout ce qui vous plaira dans les choses possibles, bien entendu. »« Je le savais, » dit la mère Ballet. « Je comptais sur vous. Voici Jean-Pierre, que vous connaissez, le fils de Nicolas Clavel, de Saint-Jean-des-Choux, que je regarde comme mon propre enfant. Eh bien, il voudrait apprendre votre état. Il est plein de bonne volonté, de courage, et si vous le recevez, je suis sûre qu'il fera son possible pour vous contenter. »« Ah ah !» dit le père Nivois d'un air grave et pourtant de bonne humeur. « Est-ce vrai, Jean-Pierre ?»« Oui, monsieur Nivois, je promets de vous contenter si c'est possible. »« Avec moi, c'est toujours possible !» dit le vieux menuisier en déposant sa grande règle sur l'établi et criant à la porte du cabaret. « Marguerite ! Marguerite !» Aussitôt, la femme de monsieur Nivois, une femme assez grande, de bonne mine, habillée à la mode des paysans, ouvrit la porte et demanda « Qu'est-ce que c'est, Nivois ? Tu vas tirer une bonne bouteille de rouge et tu la porteras dans la chambre, là-haut, avec 2 verres. Madame Ballet et moi, nous sommes en affaires. Nous avons besoin de causer. » La femme descendit à la cave et comme l'ouvrier de monsieur Nivois, Michel Jarry, sec, maigre, décharné, la figure longue et pâle, cessait de raboter pour nous écouter, Monsieur Nivois lui dit « Hé, Michel, ce n'est pas pour toi que je fais monter la bouteille. Tu peux continuer sans gêne. Madame Ballet ne t'en voudra pas à cause du bruit, ni moi non plus. » Il dit cela d'un air sérieux, en prenant une bonne prise. Et sa femme, étant alors devant la porte, sur le petit escalier de bois, avec les 2 verres et la bouteille, « Mère Ballet, » fit-il, « je vous montre le chemin. » Ils montèrent ensemble dans la chambre qui se trouvait à côté de l'atelier au-dessus, en forme de colombier. Elle avait une lucarne, et le vieux menuisier, de cette lucarne, en vidant sa bouteille le coude sur la table, voyait tout ce qui se passait en bas. C'est là qu'il restait une partie des matinées, avec son ami, le vieux géomètre Panard, causant de différentes choses qui leur faisaient du bon sens. Ils s'aimaient comme des frères. Et lorsqu'ils avaient vidé leur bouteille chez Nivois, vers 11 heures, ils allaient vider une autre bouteille chez Panard, qui possédait aussi une auberge sur la grande route. Chez Nivois, Panard payait la bouteille devant la femme et Nivois mettait les 12 sous dans sa poche. Et chez Panard, Nivois payait la bouteille et Panard mettait les 12 sous dans sa poche. Par ce moyen, les femmes étaient toujours contentes en pensant « C'est l'autre qui paye, nous avons les 12 sous ». Avec ces 12 sous, ils vidaient leur cave à tous les deux sans avoir de trouble dans leur ménage. Mais tout cela n'empêchait pas M. Nivois d'être un excellent menuisier, un homme d'esprit et de bon sens. La mère Ballet et M. Nivois étaient donc montés dans la chambre. Moi, je restais en bas avec Jarry, qui continuait à raboter, allongeant ses grands bras maigres d'un air de mauvaise humeur. Je vis tout de suite que nous ne serions pas bons camarades, car au bout d'un instant, s'étant arrêté pour rajuster le rabot, il me dit en donnant de petits coups sur la tête du tranchet « Allons, apprenti, commence par ramasser les copeaux et mets-les dans ce panier. » Je devins tout rouge et je lui répondis au bout d'un instant « Si Monsieur Nivois veut de moi, je reviendrai cet après-midi et je ramasserai les copeaux. » « Ah, tu as peur de salir tes beaux habits ? » fit-il en riant. « C'est tout simple, quand on s'appelle Monsieur Jean-Pierre, qu'on est le premier à l'école, qu'on connaît l'orthographe et qu'on porte chapeau, de se baisser, ça fait mal aux reins. » Il me dit encore plusieurs autres choses dans le même genre. Comme je ne répondais pas, tout à coup la voix du père Nivois se mit à crier de la lucarne. « Eh, dis donc, Jarry, mêle-toi de ceux qui te regardent. Je ne te donne pas 50 sous par jour pour observer si l'on a des chapeaux ou des casquettes. Tu devrais être honteux d'ennuyer un enfant qui ne te dit rien. Est-ce que c'est sa faute s'il n'est pas aussi bête que toi ?» Aussitôt Jarry se remit à raboter avec fureur. Et quelques instants après, la mère Ballet et M. Nivois redescendirent l'escalier. « Eh bien, c'est entendu, » disait M. Nivois. « Jean-Pierre viendra tout de suite après dîner et son apprentissage commencera. Je le prends pour 4 ans. Les 2 premières années, il ne me servira pas beaucoup, mais les 2 autres seront pour les frais d'apprentissage. « Si vous voulez un écrit, » dit la mère Ballet. « Allons donc, entre nous un écrit, » s'écria le vieux menuisier. « Est-ce que je ne vous connais pas ?» Ils traversaient alors l'atelier. « Arrive, Jean-Pierre !» me dit la mère Ballet. Et nous sortîmes ensemble. Dans la rue, M. Nivois fit quelques pas avec nous, en expliquant que je devais arriver chaque matin à 6 heures en été, à 7 en hiver, que j'aurais 1 heure à midi pour aller dîner, et que le soir à 7 heures je serai libre, ainsi que toutes les journées des dimanches et grandes fêtes. Ces choses étant bien entendues, il rentra dans l'atelier et nous retournâmes chez nous. Durant 6 ans, je restai chez le père Nivois. Que de travail, que de tristesse, et pourtant que de bonheur aussi pendant ces longues années d'apprentissage. Tout revit en moi, tout se réveille. J'entends le rabot courir, la scie crier, le marteau résonner sous le grand toit de l'atelier. J'entends les verres teintés au cabaret voisin, les hussards chanter « En avant, fanfan, la tulipe !» Je vois les copeaux rouler sous l'établi, je les repousse du pied, les joues et le front couverts de sueur. Et le grand Jarry, cet être pâle, maigre, les cheveux ébouriffés, je le vois aussi, je l'entends me donner des ordres. « Apprenti, le rabot ! Apprenti, les clous ! Enlève-moi cette sciure, apprenti, et plus vite que ça ! Qu'est-ce que c'est ? Tu te mêles d'ajuster ? Ha ha, le bel ouvrage ! Comme c'est raboté ! Comme c'est scié ! Le patron va gagner gros avec toi ! Il n'a qu'à faire venir du vieux chêne pour t'apprendre à massacrer !» Ainsi de suite, et toujours de la mauvaise humeur, toujours des coups de coude en passant. « Ôte-toi de là, tu ne fais rien de bon !» Quelle patience, mon Dieu ! Quelle bonne volonté d'apprendre il faut avoir pour vivre avec des gueux pareils, sans foi ni loi, sans cœur ni honneur. Plus l'ouvrage est bon, plus ils le trouvent mauvais. Plus l'envie leur aigrit le sang, plus ils verdissent et jaunissent. S'ils osaient vous attaquer, mais le courage leur manque. Pauvre diable, pauvre diable! Voilà pourtant la vie, voilà le soutien qu'il faut attendre dans ce bas monde. Le père Nivois voyait la jalousie de ce mauvais gueux et quelquefois il s'écriait « Hé, Michel, tâche donc d'être plus honnête avec Jean-Pierre. Tu n'as pas toujours été malin pour raboter une planche et pour enfoncer un clou. Ça ne t'est pas venu tout seul. Il t'a fallu des années et des années. Et malgré tout, Tu n'es pas encore le grand chambellan du rabot et de l'équerre, comme on disait sous l'autre. Tu n'as pas encore deux clés dans le dos qui marquent ta grandeur. S'il avait fallu attendre sur toi pour inventer les chevilles, on aurait attendu longtemps. Je te défends d'être grossier avec l'apprenti. Je ne veux pas de ça. Tu m'entends ? Malheureusement, le brave homme n'était pas toujours à l'atelier. Il avait des entreprises en ville, et Jarry le voyait à peine dehors qu'il se vengeait sur moi d'avoir été forcé d'entendre ses plaisanteries. Au milieu de ces misères, j'avais pourtant quelques instants de bonheur, et mon attachement pour la mère Balai augmentait toujours. Il ne s'était pas encore passé 6 mois que M. Nivois m'avait permis d'emporter des copeaux à la maison. J'en mettais dans mon tablier tant qu'il pouvait en entrer. Avec quelle joie je criais sous la porte. « Mère Balai, voici des copeaux. Nous pouvons faire bon feu, le bois ne va plus manquer. » Elle, voyant la joie de mon cœur, faisait semblant de regarder ses copeaux comme grand-chose. « Je n'ai jamais vu d'aussi belles flammes, » disait-elle. « Et puis, ça chauffe, Jean-Pierre, que c'en est un véritable plaisir. » Un peu plus tard, au bout de l'année, connaissant un peu l'état, j'avais arrangé le fruitier d'une manière admirable, par couches de lattes bien solides. C'est à cela que je passais mes dimanches. Et plus tard encore, la famille Dubourg ayant loué dans les environs de la ville un petit jardin, c'est moi qui construisis leur gloriette, c'est moi qui posais la petite charpente et qui garnis l'intérieur de paillassons en croisant dehors le treillage pour les plantes grimpantes. Ce qui fâchait le plus Jarry contre moi, c'étaient les copeaux. Car jusqu'alors, lui seul les avait pris pour les porter à l'auberge du Tonnelet Rouge, dans la ruelle des Aveugles, où il était en pension. Enfin, on ne peut pas contenter tout le monde. Cela dura bien 1 an, de la sorte. Je n'étais pas encore bien adroit dans notre métier, mais assez souvent, M. Nivois m'avait chargé de faire de petits meubles, comme les cassines qu'on nous commandait au collège, et toujours il avait paru content. « C'est bien, Jean-Pierre, » disait-il, « cela peut aller. » Il manque encore la dernière main. Voici des jointures qui ne sont pas assez serrées. Cette charnière est trop lâche. La serrure a pris trop de bois. Mais pour un apprenti, cela marche très bien. Naturellement, Jarry, ces jours-là, se montrait encore plus mauvais qu'à l'ordinaire. Aussitôt le maître sorti de l'atelier, il tournait en moquerie ses compliments et traitait mon ouvrage de savate. S'il avait pu tout casser et détraquer, il l'aurait fait volontiers. Mais il n'osait pas, et regardait seulement, levant ses 2 épaules maigres, et disait « Ah, le beau chef-d'œuvre ! Écoutez comme ça s'ouvre, comme ça se ferme !» Il faisait aller le couvercle en répétant « Cric-crac, c'est un meuble à musique ! Ça crie, ça chante, ça possède tous les agréments ensemble ! On peut mettre des livres dans la cassine et jouer en même temps de la musique au professeur ! Continue, Jean-Pierre, tu promets, tu promets !» Il soufflait dans ses joues et se tenait les 2 mains sur les côtes, comme pour s'empêcher de rire. On pense si j'étais indigné. Je voyais sa méchanceté. Si je n'avais pas eu tant d'égards pour M. Nivois, pour la mère Balai et tout le monde, j'aurais dit à ce gueux ce que je pensais de lui. J'avais bien de la peine à me contenir, mais un beau matin la coupe fut pleine, et je vais vous raconter les choses en détail. Parce qu'il faut tout expliquer pour que les honnêtes gens voient clairement de quel côté se trouvent les torts et qu'ils se disent en eux-mêmes « C'était trop, cela ne pouvait pas durer, nous en aurions fait autant. » Voici donc comment la chose finit. À la fin de ma 3e année d'apprentissage, quelques jours avant la Sainte-Anne, qui tombe le 27 juillet, un soir, au moment de partir, M. Nivois me dit, après avoir regardé mon travail, « Jean-Pierre, je suis content de toi. Tu m'as rendu déjà de véritables services et je veux te montrer ma satisfaction. Dis-moi ce qui peut te faire plaisir. » En entendant ces paroles, je sentis mon cœur battre. Jarry, qui pendait son tablier et sa veste de travail au clou, se retourna pour écouter. J'aurais bien su quoi répondre, mais je n'osais pas. Et comme j'étais là tout troublé, le père Nivois me dit encore « Et tu n'as jamais rien reçu de moi, Jean-Pierre. » En même temps, il tirait de sa poche une grosse pièce de 5 francs qu'il faisait sauter dans sa main en disant « Est-ce qu'une pièce de 5 francs ne tirait pas pour faire le garçon ? Réponds-moi hardiment. Qu'est-ce que tu penses d'une pièce de 5 francs dans la poche de Jean-Pierre ?» Mon trouble augmentait parce que depuis longtemps j'avais une autre idée, une idée qui me paraissait magnifique mais qui devait coûter cher. Je n'osais pas le dire, et pourtant, à la fin, ramassant tout mon courage, je répondis « Monsieur Nivois, mon plus grand bonheur est d'abord de savoir que vous êtes content de moi. Oui, c'est une grande joie, principalement à cause de la mère Ballet. » « Sans doute, sans doute, » fit-il attendri. « Mais toi, qu'est-ce que tu voudrais? Qu'est-ce que tu pourrais désirer ?»« Eh bien, monsieur Nivois, mais je n'ose pas. »« Quoi ?»« Eh bien, ce qui me ferait le plus de plaisir, ce serait de montrer de mon travail à la mère Ballet. » Et comme monsieur Nivois écoutait toujours, « Nous avons à la maison une vieille table qui boite, » lui dis-je. « Une table ronde et pliante. Il faut mettre quelque chose sous un pied pour l'empêcher de boiter. Et si c'était un effet de votre bonté de m'en laisser faire une autre, elle arriverait juste à la Sainte-Anne. »« Oh oh !» s'écria le père Nivois d'un air à moitié de bonne humeur, à moitié fâché. « Sais-tu bien ce que tu me demandes ? Une table ronde, du vieux noyer encore, bien sûr. »« Oh non, en chêne !» En chaîne, c'est bon, en chaîne, mais et ton travail pendant 8 jours, 10 jours, tu comptes ça pour rien? Oh, je travaillerai le soir, monsieur Nivois, je reviendrai après la journée 2 ou 3 heures. Alors il parut réfléchir, et tout ça 2 ou 3 fois dans sa main sans répondre, et seulement ensuite il dit, c'est pour la fête de la mère Ballet? Oui. Et cette idée t'est venue comme ça? Oui, ce serait mon plus grand bonheur. Eh bien, soit, fit-il. J'y consens. Tu travailleras le soir et je te laisse le choix du bois. Arrive, il ne fait pas encore nuit. Entrons au magasin. Aussitôt, Jarry sortit et nous entrâmes au magasin. Il y avait de belles planches et je regardais du vieux poirier qui m'aurait bien convenu, mais c'était trop cher. Je venais de prendre du chêne quand monsieur Nivois s'écria. « Bah, puisque nous sommes en train de faire de la dépense, autant que ce soit tout à fait bien. Moi, Jean-Pierre, à ta place, je choisirai ce poirier. » Cela me fit une joie si grande que je ne pus seulement pas répondre. Je pris la planche sur mon épaule et nous rentrâmes dans l'atelier où je la posai contre le mur. Tout ce que j'avais souhaité depuis 2 ans arrivait. Je me représentais le bonheur de la mère Ballet. Je voyais déjà dans cette planche les 4 pieds, le dessus, le tour. Je voyais que ce serait très beau, que j'en aurais même de reste. Et tout cela me serrait le cœur à force de contentement et d'attendrissement. Il ne m'était jamais rien arrivé de pareil. Et dans le moment où je sortais en refermant l'atelier, monsieur Nivois, qui voyait sur ma figure tout ce que je pensais, me demanda « Est-ce que tu reviendras travailler ce soir ?» « Oh oui, monsieur Nivois, si vous voulez bien. »« Bon, bon, on mettra de l'huile dans la lampe. » Je retournais chez nous tellement heureux que j'arrivais dans notre petite allée sans le savoir. Je ne pensais plus qu'à ma table, et tout de suite après le souper, j'allais prendre mes mesures et me mettre au travail. Le plan de cette table était si bien dans ma tête que, au bout du 3e jour, toutes les pièces se trouvaient découpées et dégrossies. Il ne fallait plus que les assembler, les raboter et les polir. Monsieur Nivois, 2 ou 3 fois le soir, vint me voir à l'œuvre. Il examinait chaque pièce l'une après l'autre sur toutes les faces, en fermant un œil, et finalement il me dit « Eh bien, Jean-Pierre, maintenant que l'ouvrage avance, je dois te dire que tu as joliment profité de tes 3 ans d'apprentissage. » Je pétillais de joie. Cela m'entrait jusque dans les cheveux. « Monsieur Nivois, m'écriai-je, je ne mérite pas vos bontés. »« Tu les mérites 100 fois, dit-il. Tu es un bon ouvrier, un brave cœur. Et si tu continues, tu seras un honnête homme. Va, mon enfant, la mère Ballet sera contente, et je le suis aussi. » Il sortit alors, et cette nuit j'avançais tellement l'ouvrage que toutes les pièces étaient jointes vers les 10 heures, excepté le dessus. Le lendemain, je fis le dessus, je repassais tout à la couronne de prêle et j'appliquais le vernis pour commencer à polir la nuit suivante. Personne ne savait rien de tout cela chez nous. La surprise et la joie devaient en être d'autant plus grandes. Mon cœur nageait de bonheur. Je n'avais qu'une crainte, c'était qu'on apprit quelque chose par hasard. Et plus le moment approchait, plus mon inquiétude et ma satisfaction augmentaient. Jarry, durant ces 8 jours, n'avait rien dit. Seulement, il serrait les dents et me regardait d'un mauvais œil. Moi, je ne disais rien non plus. Ma table, déjà construite, se trouvait dans un coin éloigné de l'établi. En entrant, le matin du jour où je devais commencer à polir, je regarde pour voir si le vernis avait séché. Et qu'est-ce que je vois ? Un trou gros comme les 2 points dans la planche du milieu sur le bord. Je devins tout pâle et je tournai la tête. Jarry riait en dessous. « Qu'est-ce qui a fait ça ? » lui dis-je. « C'est le gros rabot, » répondit-il en éclatant de rire. « Il ne faut pas mettre les beaux ouvrages sous la planche au rabot, parce que quand les rabots tombent, ils font des trous. Et qu'est-ce qui a fait tomber le gros rabot ? » ?»« C'est moi, » dit-il en riant plus fort. « J'en avais besoin. » À peine avait-il répondu « c'est moi » que je tombais sur le gueux comme un loup. J'avais la tête de moins que lui. Ses mains étaient larges 2 fois comme les miennes, mais du premier coup, il fut culbuté, les jambes par-dessus la tête, et je lui posais les genoux sur la poitrine pendant qu'il me serrait en criant. « Ah, brigand ! Ah, tu oses ! » !»« Oui, j'ose !» lui dis-je, en écumant et en lui donnant des coups terribles sur la figure. Nous roulions dans les copeaux. Il allongeait ses larges mains calleuses pour m'étrangler, mais ma fureur était si grande que malgré sa force, j'avais presque fini par l'assommer, lorsque le père Nivois et 3 hussards accoururent à nos cris et m'arrachèrent de dessus lui comme un de ces dogues qu'il faut mordre pour les faire lâcher. Il me tenait en l'air par les bras et les jambes. J'avais des tremblements et des frémissements. Le grand Jarry se leva en criant « Je te rattraperai !» Mais à peine avait-il dit « Je te rattraperai !» que je me lâchais d'une secousse et que je le bousculais sur la table comme une plume. Il criait « À l'assassin ! À l'assassin !» Il fallut m'arracher encore une fois et m'entraîner dans la chambre voisine. Le père Nivois demandait « Qu'est-ce que c'est ?» Alors, fondant en larmes, je lui dis « Il a cassé ma table exprès !»« Ah, il a cassé ta table !» fit-il. « Le gueux, le lâche ! Ah, il a cassé ta table exprès !» « Eh bien, tu as bien fait, Jean-Pierre, mais il peut se vanter d'en avoir reçu. Voilà pourtant la colère d'un honnête homme qu'on vole. » Les hussards me regardaient tout surpris et se disaient entre eux « Tonnerre, c'est pire qu'un chat sauvage !» La femme de Monsieur Nivois venait de porter dans l'atelier un baquet d'eau fraîche où Jarry se lavait la figure. Je l'entendais gémir. Il disait « Je ne travaillerai plus avec ce brigand, il a voulu m'assassiner. » En même temps, il sanglotait comme un lâche, et M. Nivois, étant retourné le voir, lui dit « Tu as reçu ton compte, c'est bien fait. Tu ne veux plus travailler avec cet enfant, tant mieux. C'est une bonne occasion pour moi d'être débarrassé d'un envieux, d'un imbécile. Va te faire panser chez M. Harvick. Tu pourras revenir ce soir ou demain, si tu veux, pour recevoir ton arriéré. Mais tu ne rentreras pas dans l'atelier. Tu viendras dans cette chambre, car si Jean-Pierre te voyait, il te déchirerait. Lui ?» cria Jarry. « Oui, lui, ne crie pas si haut, il est encore là. Les hussards le retiennent, mais il pourrait s'échapper. » Nous n'entendîmes plus rien. Quelques instants après, M. Nivois revint en disant « Le gueux est parti. J'ai regardé le trou de la table. Nous allons changer tout de suite la planche du milieu, Jean-Pierre. Et demain, tout sera prêt pour la fête de la mère Ballet. Je t'aiderai. Ainsi, console-toi. Sois content. Tout sera réparé ce soir. » Je me remis alors. Et je fus bien étonnée de voir que j'avais battu le grand Jarry. Je pensais en moi-même. « Ah, si j'avais su cela plus tôt, tu ne m'aurais pas tant ennuyé depuis 2 ans, mauvais gueux. J'aurais commencé par où j'ai fini, mais il vaut mieux tard que jamais. »